BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans l'émission 01 Business. Ce soir, une émission sur une technologie. Une fois n'est pas coutume, nous allons décortiquer avec nos invités la virtualisation. En fait, il s'agit de faire fonctionner des applications, non pas sur un seul serveur, mais sur plusieurs machines, sur la première machine disponible. Voilà, c'est un peu un raccourci, mais nous allons connaître tous les détails de cette technologie de virtualisation avec nos invités, puis surtout tous les enjeux qu'elle représente pour les entreprises. La virtualisation, c'est le thème principal justement du Tour de France organisé par Zéro Informatique et qui faisait escale ce matin même à Paris. Voilà, la virtualisation permet-elle véritablement de générer des réductions de coûts? Quels sont les prérequis techniques? En quoi cette tendance de fond peut-elle révolutionner l'informatique classique? On en parle pendant une heure sur BFM Radio. 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio. Et pour aborder avec nous ce soir sur BFM Radio ce thème des technologies de virtualisation, je reçois trois invités. Notre premier invité est justement le leader mondial en termes de virtualisation. Il doit sans cesse innover pour ne pas se laisser rattraper. Il est directeur marketing Europe du Sud de l'éditeur logiciel VMware. Stéphane Antonin, bonsoir. Bonsoir Frédéric. La virtualisation, cela fait partie depuis 2 ans des technologies prioritaires de Microsoft, peut-être même depuis plus longtemps. On va en parler avec le responsable marketing produit Windows Server chez Microsoft, Alain Le Garade, bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité est lui aussi éditeur, lui aussi expert en logiciel de virtualisation. Nous recevons le responsable marketing produit de Citrix, Guillaume Le Tyran, bonsoir. Bonsoir. Pour le coup de pouce à une start-up cette semaine, Élise Barbet, journaliste chez 01, aura en ligne Michel Delot. Il est cofondateur et directeur du développement international de TazTag. C'est une start-up spécialisée dans la communication sans contact. Renaud Bonnet, journaliste à la rédaction de 01, viendra lui aussi nous parler dans sa chronique de la valeur de la virtualisation. Et elle est assez incisive, sa chronique, vous l'entendrez tout à l'heure. Et sans oublier Yann Serra, journaliste chez 01, qui nous accompagne tout au long de cette émission et avec qui nous allons démarrer dans un instant un premier tour du monde de l'actualité high-tech. Voilà pour notre sommaire d'aujourd'hui, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Alors on démarre tout de suite notre émission avec vous Yann Serra, je rappelle vous êtes grand reporter à la rédaction de 01. Alors Yann, cette semaine, c'était même hier, mercredi, c'est Cisco, EMC, VMware qui forment une alliance dans le cloud computing. Et oui, tout à fait, ensemble, ces trois acteurs vont proposer aux entreprises de construire leur propre cloud, un peu comme un Lego avec V-blocs. Rappelez peut-être aux auditeurs de BFM Radio, le cloud computing, voilà, c'est l'informatique dans les nuages. Oui, alors le cloud computing, en gros, c'est l'inverse de la virtualisation. Dans la virtualisation, on prend un ordinateur, on en fait tourner 10 à l'intérieur. Dans le cloud, on assemble tous les ordinateurs de la salle informatique pour en faire un seul très puissant qui va faire tourner toutes les machines virtuelles qu'on veut. Comme ça, elles ont toute la puissance possible pour monter en charge quand il faut, ou alors pour redémarrer à un autre endroit du cloud si on a un bout qui tombe en panne. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé alors par Cisco, EMC et VMware? En fait, ce qui a surtout de très important aujourd'hui, n'importe qui peut mettre son informatique dans le cloud. En fait, il suffit de mettre ses ordinateurs, de les héberger sur Internet. Le problème, c'est que personne ne veut le faire, parce que tout le monde veut d'abord vérifier dans sa salle informatique si ça fonctionne bien. Et pour faire ça, il faut une solution qui n'existe pas encore. Et c'est justement le propos de cette alliance de Cisco, EMC et VMware avec leur V-Block. Et alors, ces V-Blocs, le problème, c'est qu'ils fonctionnent ensemble avec des protocoles qui sont bien à eux. Concrètement, ça veut dire que cette solution n'aura un avenir si, et seulement si, il y a demain des sociétés sur Internet qui acceptent d'héberger votre salle informatique avec les protocoles de Cisco, EMC et VMware. C'est ça, ce n'est pas sûr, parce que entre les protocoles de cette alliance, le protocole de Microsoft avec Azure, ou encore le protocole d'Amazon qui arrive dans la distribution Linux, bien malin, celui qui sait dès aujourd'hui lequel servira demain de standard pour héberger une salle informatique. Alors, on profite aujourd'hui, on a Stéphane Antonin de VMware, on a Alain Le Garade de Microsoft. Alors, cette annonce, en deux mots, Stéphane, parce que c'est pas forcément... Alors, on va en reparler certainement au cours de l'émission, mais Stéphane Antonin de VMware, donc cette annonce de cette alliance entre Cisco, EMC, VMware, ça signifie, c'est important. Hein, c'est une annonce importante, ça montre la collaboration de trois acteurs de l'industrie aujourd'hui, la volonté d'aller dans le cloud privé, de mettre en place quelque chose, d'avoir du concret. Et ce côté fermé, un peu comme le dit Yann, c'est un danger pour les entreprises quand même? Aujourd'hui, on a une approche qui est vraiment concrète et pragmatique, c'est-à-dire que l'idée et l'objectif, c'est de virtualiser le centre de données, le data center. Et une fois qu'on a virtualisé le data center, c'est d'avoir une plateforme qui est cohérente et qui permette en même temps d'aller vers le cloud privé. Et une fois qu'on est vers le cloud privé, de pouvoir naturellement aller vers le cloud public. Donc d'avoir la même infrastructure et la même plateforme pour ça. Voilà, et bien en tout cas, c'est une technologie que l'on va suivre dans Zéro Informatique et puis ici même même sur dans 01 Business sur BFM Radio. Yann, d'autres annonces cette semaine, c'est Red Hat aussi. Qui devient à son tour un acteur de la virtualisation. Enfin, voilà. On n'en sort pas. On aurait pu l'inviter aussi aujourd'hui. Alors Red Hat, bon, pour mémoire, c'est le numéro 1 des distributions Linux. Donc il a désormais une solution qui s'appelle RHEV qui ne fait que de la virtualisation. Et oui, parce que jusqu'à présent, Red Hat proposait de quoi faire de la virtualisation lancée Linux. Mais il fallait acheter tout un Linux pour une seule fonction. Alors là, il y a une surprise dans RHEV, c'est que on n'utilise plus du tout l'outil de Citrix pour faire de la virtualisation, mais un autre qui s'appelle KVM et qui est un petit peu le logiciel de la virtualisation qui monte en ce moment, puisque comme quoi tout est vraiment lié. Oui. KVM est utilisé par d'autres éditeurs de Linux pour faire des clouds privés, justement. Et ces clouds privés présentent l'intérêt d'être directement compatibles avec Amazon, c'est-à-dire le numéro un des clouds sur Internet. Eh bien, on parle beaucoup de cloud. Guillaume Le Tyran, là, c'est une petite épine dans le pied. Alors, ça pourrait être une épine dans le pied si on considérait que le cloud. Tout à fait. Si on considérait que le cloud est une notion technologique, mais le cloud, c'est avant tout une notion d'usage. Et à ce titre, la technologie n'est qu'un support. Peu importe la technologie qu'on va utiliser, elle sera compatible, interopérable. Donc pour nous, c'est plutôt un bon signe que tout le monde s'y mette. Celui qui proposera les meilleurs usages. Voilà, et puis il y a de la place, c'est un secteur où il y a suffisamment de place pour tout le monde. Autre nouvelle cette semaine, Yann, Microsoft va lancer un nouveau SQL, mais alors plus cher. Eh oui, plus cher le prochain SQL. Alors rappelons que SQL Server, c'est la solution de base de données de Microsoft. Et donc l'éditeur vient d'annoncer que la prochaine version, qui sera appelée 2008 R2, qui sortira l'année prochaine, coûtera en moyenne 25% plus cher. Il y a alors, une explication pourquoi quand même. Eh bien parce que ce nouveau SQL sera plus performant et que donc, selon l'éditeur, vous n'aurez pas à dépenser votre argent en achetant des ordinateurs plus puissants pour le faire tourner. Les prix annoncés aux États-Unis, pour l'instant uniquement aux États-Unis, commencent à $7,500 par processeur, alors qu'ils sont pour l'instant plutôt de l'ordre de $6,000. Bon, l'argument avancé par Microsoft, c'est que SQL reste tout de même 3 fois moins cher que le produit concurrent de chez Oracle, lequel est toujours le numéro 1 de la base de données. Et puis on n'a toujours pas de nouvelles de MySQL et ce qu'en fera Oracle pour l'instant. On est toujours suspendu à cette décision. Autre nouvelle de la semaine, Intel qui va lancer des serveurs qui tiennent dans un cartable. Dans un cartable, ils font 20 cm de large. Un petit cartable. Hein. 12 cm de profondeur. Bah, ça tient pas encore dans la poche, mais ces microserveurs devraient tout de même permettre de réduire par 3 ou 4 l'encombrement des salles informatiques. Alors, bien sûr, on a envie d'applaudir une initiative pareille, mais le problème, c'est que ça rappelle furieusement les serveurs en LAM, où chaque fabricant a sorti un modèle rigoureusement incompatible avec les châssis de ses concurrents. Si bien que, au gré des achats répartis dans le temps et des fournisseurs qui changent, les salles informatiques se sont remplies de gros châssis à moitié vides qui occupent une place folle. Donc, les fabricants vont-ils encore faire de la même erreur? Verdict en début d'année prochaine, date à laquelle Intel leur livrera les cartes mères de ces nouvelles micro. En tout cas, on miniaturise de plus en plus les salles informatiques. Oui, hein. D'ailleurs, c'est totalement à la mode cette semaine. Figurez-vous qu'on a vu une salle informatique qui tenait dans une mallette. C'est un ingénieur de chez Dell qui a mis ce prototype au point. Alors, ça pèse 18 kilos, ça se déplace sur des roulettes. Il y en a pour 2 000 € d'équipement à peu près. Et ça n'a besoin que d'une seule prise de courant. Mais Dell trouve que c'est encore trop novateur pour le commercialiser. Eh bien, on attendra d'en savoir un peu plus sur ce produit. Autre nouvelle de la semaine, Yann Serra, c'est le virus Conflicker qui fête son premier anniversaire. Eh oui, déjà. Depuis un an, les éditeurs d'antivirus ne sont toujours pas parvenus à le stopper. Pour ce virus qui continue à se propager et qui permettrait à des terroristes de prendre le contrôle de tous les PC infestés pour mener une cyberguerre contre les structures économiques occidentales. Et on dit qu'il a combien de millions de PC il a et aujourd'hui, il serait à 7 millions de PC infectés, et principalement aux États-Unis, en Europe, en Inde et au Japon. Dans le monde entier, quoi. Alors, autre nouvelle, alors on sort un peu de la technologie, c'est le classement, alors, qui est toujours très controversé, c'est le classement de l'université de Shanghai qui ne récompense aucune université française en informatique. Eh oui, ce classement annuel des meilleures universités dans le monde et par discipline n'a listé aucune université française dans son top 100 consacré à l'informatique. Les 3 premières places sont comme d'habitude américaines, avec les universités de Stanford, Berkeley, le MIT. Alors le problème surtout, c'est que ce classement de Shanghai ne prend en compte que le nombre d'articles produits par université dans les revues de recherche. Il exclut en plus les grandes écoles, dont nous sommes si fiers en France. Du coup, l'école des mines a établi son propre classement avec un autre critère, le nombre d'anciens étudiants devenus patrons dans les grandes entreprises du classement Fortune Global 500. Et là, l'honneur est sauf ? Oui, l'honneur est sauf, puisque la France est représentée une 30aine de fois. Une dernière petite news très rapide, Skype qui pourrait bien devenir open source. Oui. Skype, c'est cette technologie de téléphonie sur Internet. Tout à fait. Et alors, on en parlait depuis un moment, mais c'était confirmé par les développeurs même de cette solution, donc de téléphonie par Internet. Bon, alors, attention, inutile de penser que des opérateurs alternatifs vont voir le jour pour récupérer les abonnés de Skype. Car il se pourrait bien que la seule interface du logiciel de téléphonie devienne open. open source. Et ça, juste pour faciliter le portage sur les Linux et les netbooks. Eh bien, merci Yann Serra, grand reporter à la rédaction de Zéro Informatique, pour ce tour du monde de l'actualité high-tech. On se retrouve tout de suite sur BFM Radio pour la suite de notre émission sur la virtualisation. Et Yann Serra, vous restez avec nous. Zéro Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio. Et nous démarrons tout de suite notre débat sur les technologies de virtualisation avec vous, Alain Lehégarade de Microsoft. On va commencer peut-être par vous demander, on va beaucoup parler de virtualisation, on va sans doute rappeler plusieurs fois la définition, mais alors vous, s'il fallait donner une définition de la virtualisation, alors quelle est la vôtre ? Voilà. Alors, il faut commencer par quelqu'un. Alors on commence par vous. Bien, une première définition, je pense, pour simplifier les choses, ce sont des technologies qui vont permettre de couper les dépendances qui existent dans les systèmes informatiques. Que ce soit les dépendances entre une machine physique et les systèmes d'exploitation, entre des systèmes d'exploitation et des applications, entre des applications entre elles, ou bien même au sein d'une application, entre son interface et l'endroit où elle s'exécute. Donc un ensemble de technologies qu'on peut appliquer sur les serveurs, sur les postes de travail, sur le réseau, voire, puisqu'on a parlé de cloud tout à l'heure, sur le cloud, et qui permettent de couper ces dépendances. Il y a vraiment c'est une sorte de coussin là qu'on met entre les applications, les systèmes et voilà. Et exactement, des petites couches d'indépendance, comme le salami. Alors Stéphane Antonat de VMware, donc c'est l'une des sociétés qui a fait de la virtualisation un peu son fer de lance. Hein. Vous pensez c'est une source d'économie à la virtualisation. Enfin c'est comme ça qu'il faut le vendre au départ. Parce que si on parle juste technologie, on va vite devenir soporifique, même face à vos clients, j'imagine. Bien qu'il faut leur parler aussi techno, mais alors voilà, où est-ce qu'on gagne de l'argent Enfin où est-ce qu'un client gagne de l'argent? Vous, je m'en doute, mais voilà, vos clients. Nos clients, il y a trois axes aujourd'hui. Enfin, vos clients, tous ceux qui utilisent la virtualisation. Tout à fait. Aujourd'hui, pour information, on a plus de 160 000 sociétés qui sont des sociétés qui utilisent les solutions de virtualisation. Donc, ça fait plusieurs millions d'utilisateurs des solutions de virtualisation VMware. Donc, on commence à avoir une expérience vraiment importante, notamment sur les économies qu'amène la virtualisation. Il y a trois axes aujourd'hui. Le premier axe, qui est le plus facile, le plus flagrant, c'est la réduction des coûts d'investissement matériel et c'est aussi lié aux coûts d'exploitation. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a des serveurs qui servent moins ou si on a des vieux serveurs, on peut continuer à faire fonctionner des applications. Voilà. Tout à fait. Une des applications dans ce domaine, une des économies qui est assez flagrante, c'est tout simplement de pouvoir consolider ces serveurs, c'est-à-dire de mettre plusieurs environnements virtuels sur la même plateforme physique. Et à partir de là, on va diminuer le nombre de serveurs à entretenir. Donc il y a des économies d'énergie qui sont importantes à ce niveau-là. Donc, premier gain, on achète moins de serveurs. Donc, si on achète moins de serveurs, ça veut dire qu'on est aussi capable de diminuer la place au sol. On est aussi capable de diminuer les coûts de la salle informatique, notamment de la climatisation, par exemple. Donc, ça, c'est le gain aussi qui est assez flagrant au niveau de l'énergie, de devenir une société verte. Informatique verte. Oui, c'est plus important aujourd'hui. C'est les deux gains que l'on voit. Et le troisième gain qui est important, et ce gain est plus par rapport à l'optimisation de la salle informatique et surtout du service informatique par lui-même. Sous-entendu, les personnes derrière le service informatique. Vous avez aujourd'hui à peu près 50% du temps des administrateurs, des personnes qui gèrent les salles informatiques, qui sont faites pour réaliser des opérations qui sont vraiment à faible valeur ajoutée. Réinstaller un système, être capable de patcher, comme on dit, de mettre à jour un système. Et avec la virtualisation, on offre de nouveaux moyens d'automatisation qui permettent de libérer cet espace, ce temps de travail. Donc, on simplifie. Bien, on va se retrouver dans un instant sur BFM Radio pour continuer à parler des technologies de virtualisation. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. On se retrouve sur BFM Radio avec nos invités pour parler de technologie de virtualisation. Voilà, pour les auditeurs de BFM Radio qui nous rejoignent, la virtualisation, c'est une technologie informatique qui permet un peu de décorréler les applications qui tournent des matériels qui sur lesquels elles tournent. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à être assez clair, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Guillaume Le Tyran de Citrix, on était à l'instant en train d'expliquer comment la virtualisation, c'est une technologie miracle. Alors, on achète moins de serveurs, on fait tourner un peu tout ce qu'on veut dessus grâce à ces logiciels-là. Est-ce que on peut la définir comme ça ? Alors, c'est pas une technologie miracle, mais c'est une technologie qui libère les dépendances, comme le disait Alain de Microsoft. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les gains d'exploitation que Stéphane nous a dit de chez VMware. Je rajouterais une chose, c'est que en libérant les dépendances, on va pouvoir donner des nouveaux cas d'usage. Là où auparavant l'utilisateur est lié à sa machine avec ses applications dessus, si on peut couper ces dépendances-là, on va pouvoir faire des choses importantes, simplifier les plans de reprise d'activité, permettre la mobilité entre périphériques, permettre la mobilité géographique, toutes ces choses-là qui aujourd'hui sont contraintes par cet environnement physique de l'entreprise. Donc ouais, il y a un côté simplificateur. On va faire un premier tour, un autre tour de table pour parler un peu de quel type de technologie chacun propose. Alors je sais pas, on va peut-être commencer par vous, Stéphane Antonin de VMware. Voilà, en deux mots, là, chez vous, VMware, ça se concrétise comment? C'est un logiciel bien sûr, mais voilà, pour un auditeur de BFM Radio qui nous écoute ce soir, lui expliquer un peu comment ça se présente physiquement sur l'écran. D'accord. VMware est une plateforme logicielle, on peut le présenter comme ça. C'est pas seulement une couche logicielle, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vous installez cette plateforme directement sur le matériel et vous êtes capable de faire l'allocation dynamique des ressources matérielles dans cet environnement qui peut être un parc informatique. Et l'idée principale, c'est tout simplement de simplifier la complexité de l'informatique. Je crois qu'aujourd'hui, cette plateforme logicielle a pour objectif de rendre transparente la complexité que l'on voit aujourd'hui dans les salles informatiques et d'arriver à offrir aux utilisateurs des services, des ressources dont il a besoin. C'est-à-dire n'importe quel endroit. L'application, elle ne fonctionne plus que sur une seule machine. Elle voit une espèce de masse et puis voilà. Elle fait l'agrégation des ressources. Voilà. Fait l'agrégation des ressources. Vous avez la puissance CPU, vous avez la puissance réseau, vous avez la puissance de stockage. On est capable d'allouer dynamiquement ces ressources en fonction des besoins des applications, donc des machines virtuelles. Alain Le Garat de Microsoft. Alors comment ça se traduit chez vous? Alors vous êtes concurrent de VMware sur certains produits, sur la plupart des éléments de cette offre. Effectivement, oui, tout à fait. Donc pour nous, l'approche a été un peu différente. Nous considérons que ces fonctions de virtualisation qui permettent donc de créer une indépendance entre les systèmes d'exploitation, les machines et les applications et les systèmes d'exploitation, c'est une fonction du système d'exploitation, de l'OS. Donc n'importe quelle personne possédant une déclinaison de Windows, Windows Server pour les serveurs, Windows 7 pour le poste client, dispose de ces applications de virtualisation qui vont permettre de casser ces dépendances. C'est un premier point. À côté de ça, donc ça, ce sont des outils logiciels fondamentaux au cœur de l'OS qui représentent, comme la couche TCP/IP de communication par exemple, c'est aussi fondamental que ça. Sans surcoût, c'est dans le système d'exploitation. À côté de ça, nous investissons très fortement sur les outils de management. Pour reprendre ce que disait Stéphane tout à l'heure, effectivement, on va réduire le nombre de machines physiques qui sont dans le data center, mais le nombre de machines virtuelles qui s'exécutent, lui, reste exactement le même qu'avant la virtualisation, voire même, on a en plus des nouvelles machines physiques à gérer. Donc il faut avoir des outils de management. Et comme le dit le Gartner, si on anticipe un projet de virtualisation sans anticiper la charge de management, de pilotage de ce data center, on va dans le mur. On arrive à des situations où on ne sait pas où sont les machines virtuelles. Si on arrête une machine physique, on ne sait pas quel impact ça a sur le système d'information, etc. Donc c'est l'un des axes d'investissement important de la part de Microsoft. C'est d'un côté les systèmes d'exploitation, mettre les couches de virtualisation gratuitement dans les OS, et de l'autre côté offrir des outils de pilotage. Guillaume Le Tyran de Citrix, alors même question un peu, vous, où situez-vous donc l'éditeur que vous représentez Citrix aujourd'hui sur ce marché de la virtualisation? À la partie jointe des deux, c'est-à-dire je suis d'accord avec Microsoft et avec VMware, ce sont des très bonnes plateformes. Et donc je vais pouvoir tirer parti de cette plateforme-là. Et je séparerai le monde de la virtualisation de côté. La virtualisation pour les infrastructures et les serveurs qui visent, comme on vient de le dire, à faire tourner le plus de machines virtuelles possible sur le moins de hardware. Et puis de l'autre côté, la virtualisation au service des utilisateurs qui là apporte d'autres choses, d'autres prérequis. La possibilité de travailler en mode déconnecté, la possibilité de travailler sur des périphériques sur lesquels on ne peut pas forcément faire tourner l'OS, un iPhone, Android, des choses comme ça qui sont un peu tendance. Et la virtualisation, c'est pour Citrix, c'est réellement prendre le parti des meilleures plateformes d'infrastructure côté serveur. Je supporte Hyper-V de Microsoft, je supporte vSphere de VMware, je supporte mon propre hyperviseur, voire les autres, mais de pouvoir utiliser ces technologies-là pour délivrer à l'utilisateur le bon poste au bon endroit. Et le bon poste au bon endroit, c'est pas forcément quelque chose qui s'exécute en centrale. Quand vous êtes sous le tunnel sous la Manche, vous n'avez pas de connexion. Quand vous êtes sur un iPhone, vous n'avez pas de socle Windows. Donc c'est toujours utiliser la bonne combinaison de virtualisation pour fournir un service à l'utilisateur. Donc, réellement, deux mondes séparés, infra et... D'adapter tout ça au poste. Yann Serra, oui, 201. Oui, il y a surtout un point dont il faudrait parler, c'est le nombre d'acteurs qui s'attaquent à ce marché. Et donc, par essence, en fait, est-ce que toutes les technologies de virtualisation sont compatibles entre elles? Parce qu'en fait, on a trois acteurs autour de la table, et on l'a vu, les trois acteurs ont une approche différente. Alors du coup, est-ce que ça commence pas à devenir un petit peu compliqué lorsqu'on veut se lancer dans la virtualisation? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Pourquoi faire? Est-ce que tout va être interopérable avec tout? Guillaume Le Tyran, là, de Citrix. Yann, tu as dit le bon mot. Pourquoi faire? Il n'y a pas une technologie de virtualisation, il y en a à peu près 6 ou 7, tout dépend de quelle couche on va virtualiser et pourquoi on la virtualise. Et donc, la première question d'un projet de virtualisation, c'est qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux consolider mes serveurs parce que ma salle machine est au taquet? Est-ce que je veux consolider mes serveurs pour mieux exploiter la puissance? Est-ce que je veux simplifier la vie de mes administrateurs ou de mes utilisateurs? Et en fonction de ça, on va prendre des couches différentes de virtualisation et donc des produits différents chez Citrix ou chez les... Si on veut faire deux choses à la fois. peut prendre les deux. Après, c'est plus une problématique commerciale qu'une problématique technologique. Alain Legarra de Microsoft, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs... Effectivement, pour chaque besoin, l'outil adapté. Et je vais étendre un petit peu ce que Guillaume exprimait. Si on considère le poste de travail... J'allais avoir la bagarre dans le studio. On n'aura pas aujourd'hui. Absolument alors, pas sur ce plan, en tout cas. Non, le point intéressant, si vous voulez, c'est... Pour chaque besoin, il y a une solution qui est idéale. Après, certaines des briques vont être communes. Dans le cadre du poste de travail, si vous voulez rationaliser vos postes de travail, optimiser les postes de travail, vous allez pouvoir choisir, pour certains scénarios, des postes de travail virtualisés. Ça peut être la meilleure solution. Donc, on exécute tous les systèmes d'exploitation des postes de travail sur des gros data centers centralisés. Et là, je pense que les trois acteurs autour de la table savent le faire. Pour certains autres utilisateurs, d'autres scénarios, donc c'est ce qui s'appelle le VDI, c'est un terme à la mode. Pour d'autres scénarios, on va plutôt préférer garder un poste de travail mobile, par exemple. Guillaume évoquait le fait de passer sous la Manche. Ben ça, c'est important d'avoir un système d'exploitation embarqué qui sait embarquer des applications, fonctionner de façon autonome, sans réseau et autres. Donc, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a toute une pléthore. On a un certain nombre d'offres qui se complètent. Donc, des points communs, ce sont les hyperviseurs qui permettent de faire fonctionner des machines virtuelles qui vont être utilisés pour les serveurs ou pour les postes clients. Des points communs, ce sont les outils de management. C'est important de s'assurer qu'ils sont effectivement transversaux, capables de gérer aussi bien des hyperviseurs VMware que Microsoft ou que Citrix ou autre. Et après, il y a des points assez spécifiques, comme sur le déport des applications, par exemple, où chaque fournisseur a ses offres. Alors, Stéphane Antonin, oui, donc l'utilisateur, vous pensez aussi, voilà, on ne peut pas trop le perdre. Il peut se repérer dans toutes ses offres et même les combiner. À la rigueur, je vais ramener peut-être le débat sur un point important. C'est au niveau de l'utilisateur, aujourd'hui, la virtualisation s'utilise dans son environnement de production. Donc aujourd'hui, ce qu'il recherche avant tout, et c'est vrai, c'est de la fiabilité, de la sécurité, d'être capable d'avoir de la haute disponibilité, de la tolérance de panne. Donc que des fonctionnalités aujourd'hui qui arrivent en plus de la virtualisation. C'est d'autant plus important pour l'utilisateur de faire confiance à cet environnement, puisqu'on a parlé de plateforme. Donc il va pouvoir migrer ses applications critiques dessus, il va pouvoir être capable de faire l'allocation dynamique de ses applications, et ça c'est important pour lui. Donc aujourd'hui, quand on regarde bien où la virtualisation se situe, on a plus de 10 ans d'expérience dans ce métier. Je crois qu'on a monté même créé. On en parle comme une technologie nouvelle, mais elle est nouvelle dans l'univers des serveurs, des PC, mais on va dire elle existe depuis des années dans le monde Elle existe dans les années 60 avec IBM qui avait cette technologie sur les mainframes. VMware a créé le marché de la virtualisation pour PlatformX 86. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans, soit en 98 exactement. Déjà, ça fait beaucoup d'expérience, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de toutes les façons, la demande, le besoin d'utilisateurs, c'est d'être en production avec ce type d'environnement. Et comment on explique, comment un patron informatique, on a un auditeur de BFM Radio qui ce soir nous écoute, je dis tiens, c'est quoi cette technologie? Comment on va expliquer ça à sa direction générale? On parle uniquement de coûts, c'est vraiment ça l'argument principal? Aujourd'hui, on arrive dans les directions avec un discours qui est très simple, c'est qu'on doit être capable de voir les bénéfices aujourd'hui de l'infrastructure informatique. Ça coûte cher pour une société. Aujourd'hui, c'est très complexe. Et on est capable de lui montrer qu'aujourd'hui, avec la virtualisation, on est capable de répondre à ses enjeux stratégiques. Ça veut dire que s'il a besoin d'évoluer, s'il a besoin de faire changer son environnement parce qu'il a une décision à prendre, l'informatique ne doit pas le bloquer. Yann Serra. Oui, mais alors le problème, c'est que effectivement, on arrive avec des nouvelles fonctions qui vont nous faire économiser de l'argent, mais quid du prix de ces fonctions? Est-ce que finalement, il ne va pas falloir former les gens à tout un tas de nouveaux logiciels pour gérer tout ça? Ça a l'air d'être compliqué. Il va peut-être y avoir des coûts cachés un petit peu. Guillaume Le Tirant de Citrix. Il faut être clair. Si on fait toujours la même chose, on a toujours le même résultat. Donc pour changer le résultat, donc pour avoir des gains fonctionnels ou des gains économiques, il va falloir changer le modèle, transformer l'entreprise. Donc on va calculer deux choses. On va calculer le retour sur investissement de la solution et on va calculer les gains directs ou indirects. Retour sur investissement de la solution, depuis 89 où on virtualise l'environnement de l'utilisateur chez Citrix, on peut vous dire une chose. Le coût total de possession du poste de travail, le coût total des possessions des applications peut être divisé par deux. Exemple, Spire Communication, 4000 utilisateurs, un équivalent temps plein pour administrer les applications. Et puis derrière, on a les coûts. C'est-à-dire que comme il ne s'embête plus avec toute la couche qui est en dessous, il a juste... Exactement, il a un référentiel central d'application, de poste ou autre, et il assemble grâce à la virtualisation de façon automatique et transparente. Et puis derrière, il y a les coûts indirects qui sont qu'est-ce que j'aurais dû rajouter à mon système pour assurer des fonctions vitales, le plan de reprise d'activité, la mobilité, le besoin de travail à distance, de télétravail. Et là, la virtualisation va aider puisque justement, elle sépare les éléments. Donc, un ROI moins de 9 mois, un coût total de possession diminué par deux et des gains indirects grâce à des nouvelles capacités qu'offre la virtualisation. Alors Alain Le Garat de Microsoft voulait rajouter... Simplement un point, c'est une réaction effectivement pour sur ce que disaient Guillaume et Stéphane. L'approche de l'informatique sur le plan d'un revenu sur investissement, du ROI, c'est pas nouveau. Enfin, on a toujours fait ça dans l'informatique. On a toujours fait de l'informatique pour économiser quelque chose. Le point intéressant, est-ce qu'apporte un peu nouveau la virtualisation, c'est que les cycles en fait de retour sur investissement se raccourcissent. Peuvent être plus courts. Aujourd'hui, sur des projets de consolidation, quand on consolide un data center qui est trop plein, par exemple, le choix pour le client, c'est je construis un autre data center ou je réduis son contenu. Donc ça, effectivement, c'est assez rapide. Si on passe par une phase de virtualisation, c'est ce qu'on a fait chez des grands clients comme Bouygues Construction, et ben, l'économie, elle est immédiate. On a économisé la construction d'un nouveau data center et on réutilise les infrastructures existantes. Donc, c'est le cycle de retour sur investissement qui se raccourcit. Mais c'est pas nouveau de faire du ROI sur l'informatique. Dernier mot vite parce qu'on a quelques secondes. Juste une information, je pense que le modèle économique a changé au niveau du calcul du ROI. C'est vrai qu'à l'époque on avait un serveur, une application, donc c'était facile de voir le coût, on va dire, de la solution complète. Aujourd'hui on est capable de mettre plusieurs applications critiques sur le même environnement physique, donc là on est plus dans un modèle aujourd'hui, le coût de l'application par rapport à la solution elle-même. Eh bien, on va continuer à en parler dans un instant, dans la seconde partie de 01 Business. On se retrouve après le journal de l'économie avec tous nos invités pour continuer à parler des technologies de virtualisation. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. On se retrouve sur BFM Radio avec nos invités pour parler des technologies de virtualisation avec Stéphane Antonat, directeur marketing Europe du Sud VMware, Alain Le Garat, responsable marketing des produits Windows Server chez Microsoft, Guillaume Le Tyran, responsable marketing produit de chez Citrix, et puis Yann Serra qui nous accompagne, qui est journaliste à la rédaction de 01 et qui nous accompagne tout au long de cette émission. Mais avant de retrouver notre débat, nous accueillons Renaud Bonnet qui est journaliste à la rédaction de 01 Informatique. Alors Renaud, c'est vous qui le dites, hein, dans cette chronique que nous allons écouter dans un instant et sur laquelle nous allons faire réagir tout de suite nos invités. Quand le sage montre la virtualisation, l'idiot regarde l'hyperviseur. Voilà, la virtualisation c'est énorme, hein, mais il ne faut pas se tromper d'enjeu. Les révolutions en informatique comme ailleurs, il y en a peu, beaucoup finissent au cimetière des idées mortes. Pour parodier Céline, la technologie c'est un grand placard, beaucoup de bocaux, peu de confiture. La virtualisation des plateformes x86 constitue pourtant bien une révolution. Elle nous fait entrer dans une troisième ère de l'informatique. Elle a d'abord été centralisée, puis client-serveur. Elle doit maintenant devenir virtualisée. On va quand même râler un peu. Qu'est-ce que ça a été long? Dès 1967, il y a plus de 40 ans, IBM introduisait la virtualisation sur ses grands systèmes S360. Au milieu des années 90, les architectures RISC-UNIX ont commencé à en bénéficier. Il a encore fallu attendre à peu près 10 ans, pour que les plateformes serveurs x86, la cheville ouvrière de l'informatique contemporaine, en héritent. À une large échelle. Voilà le point clé. Ce n'est pas la technologie qui change tout, c'est sa généralisation. Et donc pour vous, Renaud, la virtualisation ne prend sa vraie valeur que quand elle se répand partout. Hein. Comme l'empereur Adrien disait de Rome qu'elle devait désormais s'égaler à la moitié du monde ou disparaître, la virtualisation ne fonctionnera à plein que si elle devient un composant omniprésent, banal, inévitable et de ce fait muet et invisible de tout équipement informatique. Il ne s'agit pas seulement de virtualiser, il faut tout virtualiser. Et idéalement en assurant un fort niveau de compatibilité entre environnements. Nous n'en sommes pas encore là. Il y a des guerres tribales, des poches de résistance, des alliances, des défiances, des tensions, mais on progresse doucement dans ce sens d'une virtualisation, on va dire, universelle. Parce que de cette façon, ce qui changera, une fois obtenus les bénéfices de la consolidation que tout le monde connaît déjà très bien, bénéfices d'ailleurs qui ne consistent qu'à pallier les défauts des systèmes d'exploitation incapables de faire proprement cohabiter les applications, ce sera la façon de piloter les traitements informatiques. En disparaissant, la virtualisation produira ses véritables bénéfices. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que les bénéfices ne sont pas encore là, c'est ça ? Ils commencent à apparaître timidement, les bénéfices. Tout le monde y pense. On parle d'automatisation, on va VMware décrire un mainframe logiciel, une sorte de super serveur constitué d'éléments disparates, unifiés, animés par un métasystème d'exploitation. On parle de plus en plus de cloud, on parle d'agilité. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec les problèmes de tuyauterie des hyperviseurs, avec les petits particularismes de chacun. Il s'agit d'installer une couche d'abstraction partout, une couche qui isole les charges informatiques des ressources informatiques. Alors le problème se déplace entièrement du côté de l'administration et donc de la complexité logicielle. La virtualisation, en fait, ce n'est pas le matériel que cela concerne, mais la façon dont on consomme et administre le logiciel. On le rend mobile, on le déplace, on lui alloue de façon plus ou moins dynamique des ressources plus ou moins importantes, on le change de classe de service, on le déploie instantanément, on le facture à l'usage. Donc finalement, ce n'est pas le matériel qu'on virtualise, hein, c'est le logiciel lui-même. Hein. C'est le logiciel. logiciel. Mais pour réussir ce pari, il va falloir encore beaucoup repenser les modèles d'administration, les logiciels eux-mêmes. Il va falloir surtout que la virtualisation des matériels disparaisse, qu'elle se taise, qu'elle se fonde dans les équipements, qu'on apprenne à ne plus parler d'elle et seulement à l'utiliser. Il va falloir apprendre à se taire. Alors, merci Renaud Bonnet pour cette chronique, je disais incisive, elle l'est, non ? Alors, est-ce que vous allez disparaître dans les matériels ? Alors, je sais pas, Alain Le Garat de Microsoft. On a déjà commencé par faire disparaître l'hyperviseur dans les OS. C'est une première étape. Ça me faisait réagir, ça. Le point qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, je pense, c'est que ce qui compte finalement, c'est l'application. Enfin, vous avez dit le logiciel, je vais un tout petit peu plus loin, c'est l'application. C'est ce que va consommer l'entreprise, l'utilisateur, si on parle d'application desktop. Et c'est bien là qu'effectivement est le cœur de la bataille. Et je pense que dans l'application, on peut distinguer deux choses. Il y a le patrimoine existant des entreprises, l'existant, qu'on doit bien gérer d'une façon ou d'une autre, et c'est parfois des héritages de dizaines d'années de code, et d'un autre côté, les nouvelles applications qui apparaissent, qui peuvent être conçues sur des nouveaux modèles, avec des nouveaux outils, effectivement en prenant de façon inhérente le cloud, donc le nuage Internet, comme une fondation de ce qu'on peut faire. Donc je pense que pour les entreprises aujourd'hui, et pour essayer de simplifier un peu ce qu'on peut proposer, il y a, je dis, vieilles applications que je veux maintenir un certain temps, faire préserver dans le temps et continuer à valoriser. Donc pour ça, effectivement, des technologies de virtualisation comme les hyperviseurs, les petits outils de management et tout ça sont intéressantes. Et pour les nouvelles applications que je vais concevoir, pour les nouvelles sources de valeur que je vais créer au niveau de l'informatique dans mon entreprise, quel est le bon modèle que je vais pouvoir utiliser pour le faire ? Et c'est là qu'effectivement, les hyperviseurs, les couches de management et tout ça deviennent complètement transparentes. On peut créer et concevoir des applications hybrides aujourd'hui qui s'exécuteraient à cheval entre votre data center privé, certains disent le cloud privé, okay, donc c'est mon data center, c'est mes machines à moi, et elles vont consommer certains services qui sont répartis sur Internet, chez des fournisseurs publics, chez des fournisseurs privés, chez votre hébergeur historique, et c'est l'architecture de ces nouvelles applications qui est intéressante. Et à partir du moment où on s'est effectivement débarrassé des débats sur les hyperviseurs et sur la virtualisation, qui est finalement qu'un épiphénomène, c'est une rupture technologique dans l'histoire de l'informatique, on commence à parler des vraies choses qui sont les architectures applicatives. Comment on conçoit ces nouvelles applications ? Alors, Stéphane Antonin de VMware, là, ce côté chemin, est-ce que ça rejoint pas un peu cette alliance Cisco, EMC, VMware, là, un peu ce côté-là où on enfouit cette partie virtualisation au sein des matériels ? Notre mission encore, c'est vrai, de VMware, encore une fois, c'est de simplifier la complexité de l'infrastructure et du parc informatique. Je crois que ça a très bien été mentionné. Et ça montre simplement que l'utilisateur aussi au niveau hyperviseur n'est pas là pour voir l'hyperviseur, il est là pour avoir des applications avec des fonctionnalités qui vont lui donner une valeur ajoutée. Donc si aujourd'hui on imagine ce concept, on imagine très bien un utilisateur très content d'avoir une machine virtuelle avec une application, mais capable de lui dire je veux la sécuriser, je veux de la haute disponibilité, je veux la tolérance de panne, d'être capable de lui donner quelque part, de lui attacher des propriétés qu'il rêve et qu'il ne pourrait pas aujourd'hui. Alors Renaud Bonnet de Zéro Informatique. Oui, je vais vous tendre une perche aussi, Stéphane. Il y a quand même une évolution un petit peu dans le sens de ce que je décrivais chez VMware, parce que vous avez racheté il n'y a pas très longtemps une entreprise qui s'appelle SpringSource et dont la spécialité, c'est pas du tout l'infrastructure, c'est vraiment l'application. Ce sont des gens qui font des outils de développement Java pour des applications. Ce qui veut dire que vous pressentez bien aussi qu'il y a un rapprochement en cours vers une montée dans les couches et une montée dans l'application. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de virtualisation, on a parlé de séparation entre les couches physiques et logiques. Imaginons maintenant si le même concept arrive au niveau des applications, être capable de développer une application sans se soucier derrière quel est le serveur applicatif qui va être utilisé. En effet, on va dans cette direction. Yann Serra, des Rois Informatiques. Oui, mais tout de même, une question. Est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de la couche vraiment technique qui est en dessous, parce que le jour, bon, je vous le souhaite pas, mais le jour si où VMware disparaît, que devient mon informatique? Est-ce que je vais galérer pour la convertir vers quelque chose d'autre, ou est-ce que c'est pas grave, j'aurai juste à changer de fournisseur? Est-ce que je suis pas en train de m'attacher pieds et poings liés à vous VMware, ou à vous Citrix, ou à vous Microsoft? L'une des forces aujourd'hui de la plateforme en elle-même, c'est d'être agnostique, c'est-à-dire vous pouvez choisir le matériel que vous voulez, vous avez des tables de compatibilité de matériel qui sont vraiment importantes. Si aujourd'hui vous prenez les machines virtuelles avec des formats ouverts, vous êtes capable de les prendre, de les faire tourner dans d'autres environnements, vous êtes capable quelque part de remplacer cette couche, mais elle vous apporte aujourd'hui énormément de fonctionnalités qui sont demandées. Guillaume Le Tyran de Citrix. On est encore sur deux choses. On parle de machine virtuelle, y compris pour l'utilisateur. C'est quelque chose qui me gêne un peu. Ouais. Dans ce que disait Renaud, Il y a une première chose, c'est d'avoir une puissance de calcul et de n'être plus lié à un matériel, une technologie pour la puissance de calcul, méta-serveur, méta-machine virtuelle, cloud, interopérable. Ça, c'est une des premières questions. Et ça, on va parler effectivement d'interopérabilité du cloud. Il y a eu des bonnes chroniques faites sur les promesses du cloud, qui est un modèle d'usage plus qu'un modèle technologique. Et puis, il y a la deuxième chose que je veux distinguer fortement, c'est le service qu'on va rendre avec l'utilisateur. Le service, on ne va pas lui donner une machine virtuelle. Peut-être, de temps en temps, on va lui donner une machine virtuelle. De temps en temps, on va lui délivrer un service. Donc, il y a deux notions que la virtualisation va aborder. C'est la notion de cloud, au sens le plus large du terme, ou d'infrastructure as a service, IaaS, comme on l'appelle. Et puis, la deuxième chose, c'est de l'application virtualisée, ou sous forme de software as a service. Et donc, on va distinguer deux choses. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire et de garantir, c'est que la partie utilisateur va être indépendante de ce matériel-là. Donc, la partie application, système d'exploitation, données de l'utilisateur va être indépendante de son périphérique. Et derrière, il va falloir avoir de la puissance pour gérer et piloter de façon transparente ça. Et on va se baser sur des notions de cloud. Alors, soit cloud privé, un data center, soit cloud public type Amazon, soit cloud semi-public, semi-privé comme Azure de Microsoft. Voilà, donc je rappelle pour les auditeurs de BFM Radio, le cloud computing, c'est cette informatique dans les nuages, c'est ces grandes salles de données qui sont réparties un peu partout. Alors, donc si je comprends bien, là, cette virtualisation, c'est faite avant tout, pour les utilisateurs, que c'est eux qui en bénéficient, quoi. Eux, pour eux, ils font tourner n'importe quand on quel parle truc. De virtualisation du poste ou de l'application de l'utilisateur, quand on parlera de virtualisation du data center, là c'est à destination de l'administrateur pour lui simplifier sa vie. Alors aujourd'hui le secteur, enfin il y a une crise mondiale, mais il y a aussi une crise au niveau des, enfin une crise, il y a des budgets d'investissement IT qui sont réduits parce que les entreprises font toutes attention à ça. Est-ce que la virtualisation, elle, c'est une technologie entre guillemets anti-crise, quoi? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un boom plus fort avec cette technologie de virtualisation parce qu'il fallait réduire les budgets, parce que ça permettait de, ou alors est-ce qu'on a continué sur la même vague? Alain Le Garat de Microsoft. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est une adoption plus rapide effectivement de ces technologies. Le fait qu'elles soient plus largement diffusées, plus facilement accessibles, moins coûteuses à l'acquisition, a probablement accéléré un peu cet élément. Comme on l'évoquait tout à l'heure, le retour sur investissement de ces projets de virtualisation, des grands vague de consolidation, par exemple, des serveurs, est intéressant. Et dans un contexte de crise, c'est un projet qui peut être traité de façon prioritaire par une DSI. Donc, je ne dirais pas que c'est la réponse magique. Ce n'est pas le remède à la crise. Ça serait, je pense, raconter des histoires. Par contre, le contexte de la crise fait que ces projets ont peut-être été un peu plus rapides qu'ils ne l'auraient été autrement et sont valorisés plus rapidement. C'est ce que vous avez senti, vous, Stéphane Antonin, chez VMware? Oui, tout à fait. Dès qu'on est dans une crise, on regarde un peu au sein de son entreprise quels sont les coûts importants. On sait que l'informatique est un coût important et on sait qu'aujourd'hui, si on est capable, pendant une crise, de réduire ce coût-là, on est capable quelque part d'amener un peu plus de souplesse à la société pour être capable de rebondir le moment venu. Donc aujourd'hui, on a vu en effet cette tendance venir, à savoir regarder vraiment, identifier, analyser son informatique interne et se dire que finalement la virtualisation est une solution qui peut aider dans ce cadre-là. Eh bien, on va se retrouver dans un instant sur BFM Radio avec nos invités pour continuer à parler de cette technologie de virtualisation. 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio. Et on quitte un instant notre débat sur BFM Radio, sur la virtualisation. On retrouve Élise Barbé, journaliste à la rédaction de Zéro Informatique. Bonsoir Élise. Bonsoir Frédéric. Alors c'est notre séquence coup de pouce à une start-up. Élise, vous avez en ligne Michel Delot, il est cofondateur et directeur du développement international de TazTag. C'est une start-up spécialisée dans la communication sans contact. Hein. Oui, c'est un peu le couteau suisse de la communication sans contact. Alors TazTag propose donc via la TazCard de multiples services et c'est ce qui la différencie donc d'un énième projet de portefeuille électronique. On a en ligne Michel Delot, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes directeur du développement international de TazTag. Alors, expliquez-nous un peu ce que vous faites et quels services vous proposez. Alors, TazTag, donc, c'est une société que nous avons créée en 2008. Et donc, l'idée, en fait, est de fournir un accès facile aux technologies du sans-contact. Peut-être une petite précision sans rentrer dans les détails. Qu'est-ce que le sans-contact? Ben, c'est connu du grand public, par exemple, comme l'évolution des cartes de fidélité que nous avons tous dans nos portefeuilles et qui donc passe de la carte que l'on insère dans un lecteur pour évoluer vers des cartes qui de plus en plus sont proposées par des grands groupes, par exemple des grands distributeurs, des supermarchés sur une technologie de sans contact, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de l'insérer dans un lecteur, mais tout simplement de vous approcher d'une base de réception qui elle-même va recevoir vos informations sans faire aucun geste particulier pour pour fournir les informations. C'est l'évolution des cartes de paiement et c'est l'évolution vers laquelle se dirige également, par exemple, le monde du téléphone. Alors, ce qui différencie notamment la TazCard des autres produits du marché, c'est notamment la partie sécurisation. Alors, on se souvient, il y a 2-3 ans, des données de clients de Navigo qui étaient insuffisamment protégées par la RATP. Il fallait payer 5 euros pour ne pas figurer dans un fichier commercial. Alors, comment vous traitez ce point-là? Alors, en fait, la sécurité, effectivement, elle a deux aspects. Du côté du fournisseur qui, lui, souhaite que ces données soient utilisées à bon escient et s'assurer que la personne qui l'utilise soit le bon utilisateur. Et du côté de l'usager, du client ou de l'employé, de s'assurer que les données ne sont utilisées que lorsqu'il le souhaite, mais également que si l'appareil, par exemple, est volé, perdu, que les données ne soient pas accédées par quelqu'un d'autre. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire et nous avons choisi, d'abord, nous avons développé sur la base d'un brevet que nous avons déposé à une sécurisation des communications à l'intérieur de la carte elle-même. Puis nous avons ajouté ce qu'on appelle un facteur en fait de sécurisation supplémentaire qui est une biométrie basée sur le signal cardiaque. Alors depuis la création de l'entreprise en 2008, vous avez une démarche internationale. Hein. Alors dites-nous en plus quels sont vos projets de développement justement. Sachant qu'aujourd'hui nos premiers clients qui sont des grandes entreprises, mais également des intégrateurs qui recherchent des supports innovants et pour tout type de marché, paiement, transport, fidélité, campus universitaire, c'est ce genre de prospects avec lesquels nous travaillons. Mais en fait, ces clients de par tous les salons auxquels nous avons participé sont sur l'ensemble de la planète. Donc globalement, notre démarche est orientée vers les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là également que nous finalisons aujourd'hui un dossier de levée de fonds pour avoir justement la possibilité de faire cette croissance de manière rapide et avec cette démarche internationale. Merci Michel Delot. Vous êtes, je le rappelle, directeur du développement international de TazTag, une start-up que vous pouvez retrouver dans 01 Informatique. Merci Élise Barbet, journaliste à la rédaction de 01 Informatique. On se retrouve tout de suite sur BFM Radio pour la dernière partie de notre débat sur la virtualisation. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotet. Encore quelques minutes pour continuer à parler des technologies de virtualisation avec nos invités Stéphane Antonin de VMware, Alain Leigarat de Microsoft France et Guillaume Le Tyran de Citrix. Alors, on a beaucoup parlé de tous les atouts de ces technologies de virtualisation, réduction des coûts, gain d'espace, on n'achète pas des serveurs, on fait tourner tout un tas d'applications anciennes ou nouvelles sur des systèmes, enfin, en se souciant un peu moins des systèmes qui font tourner elles-mêmes ces machines. Moi, j'ai une question. C'est quoi les freins aujourd'hui à la virtualisation? Parce qu'on entend tous ces bénéfices, mais voilà, qu'est-ce qui... Je ne sais pas, Guillaume Le Tyran de Citrix. Moi, je mettrais trois freins. La résistance au changement inhérente à chaque personne. Quand on fait quelque chose qui marche, pourquoi changer? La deuxième, c'est le besoin d'investir pour avoir un retour sur investissement. Et donc, pour avoir un bon retour sur investissement, il faut avoir une notion claire de ce qu'on va investir et de ce qu'on espère recevoir comme retour. Et la troisième chose, c'est parfois une méconnaissance des capacités propres à la virtualisation, c'est-à-dire de l'intégralité des bénéfices qu'on pourrait en tirer. On parle de virtualisation de serveurs, on parle de consolidation de machines. C'est aussi pour le PRA, la reprise sur incident, la facilité de provisioning. On parle de virtualisation de l'application pour l'utilisateur pour alléger sa machine. On parle aussi de PRA, de mobilité, ce genre de choses. PRA, c'est le plan de reprise d'activité. Exactement. Donc trois choses, changement, ROI et capacité supplémentaire. Yann Serra de 01. Oui, mais tout de même, la question qu'on se pose, c'est on ne peut pas se lancer comme ça dans la virtualisation parce qu'il y a plein de fonctions. Bon, il faut quand même s'y préparer un petit peu, j'imagine. Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... C'est un projet. Guillaume Le Tyran qui va répondre. Juste deux mots. C'est un projet, et Renaud l'a dit, c'est quelque chose qui existe depuis 1960 et quelques avec IBM. Donc il y a des retours, il y a des gens qui ont fait le chemin, qui ont montré le chemin, et donc sur lequel les trois sociétés qui sont ici peuvent parler du retour sur. Du retour d'expérience de ces gens-là. Donc on a eu un retour d'expérience. Certes, mais comment commencer? C'était Stéphane Antonin. Alors comment ils commencent vos clients? Et puis revenir un peu sur les freins aussi. Sur, vous avez d'autres freins, vous voyez Je vois deux freins, moi, aujourd'hui. Il y a un frein qui est vraiment par rapport aux éditeurs de logiciels et de progiciels. Aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde bien aujourd'hui les constructeurs informatiques, ils ont tous adopté la virtualisation. Chacun aujourd'hui dans son matériel, que ce soit les constructeurs de processeurs, les fondeurs, ils ont mis des composants directement au niveau matériel. Par contre, on s'aperçoit que il y a encore quelques réfractaires au niveau notamment des éditeurs. On voit ça au niveau de la base de données. Je vois une donnée liée au mode de licensing, comme on appelle des licences, que finalement une problématique technique. Donc là, je vois un frein qui est toujours là, mais qui a quand même évolué et qui est toujours présent, mais on voit qu'il a vraiment diminué. Et un autre frein, puis par où on commence alors? Et l'autre frein, pour juste vous finir sur les freins, c'est aujourd'hui la virtualisation donne la possibilité aux différents départements informatiques de travailler ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, un projet de virtualisation se doit de faire appel à des personnes et des experts aussi bien en application qu'en stockage, qu'en réseau. Donc, il faut convaincre les départements informatiques de maintenant travailler ensemble et de faire et un et peu... Quand on, et je vous repose encore la question, par où on commence? Ça veut dire on commence par les serveurs? Vaut mieux commencer par mettre des outils de virtualisation sur ces serveurs, sur ces PC, enfin... Quand on regarde un peu l'historique, c'est vrai que la première problématique qu'on a vue, c'était la salle serveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'informatique se concentrait sur la salle serveur pour arriver à trouver des solutions. La deuxième. Là, c'est-à-dire qu'avec la virtualisation, on a l'impression d'exploiter à fond sa salle serveur. Tout à fait. Et puis maintenant, attendez, Guillaume Le Tyran n'est pas complètement d'accord. Juste pour finir la phrase. Et maintenant, la demande est au niveau du poste de travail. Je crois que l'administration des postes de travail est encore plus complexe. Et là, on est vraiment passé dans cette demande. C'est plus complexe au niveau du poste de travail. Il y a beaucoup plus de postes de travail. Il y a beaucoup plus de. Le domaine est énorme. La complexité est toujours là, puisqu'on parle de plusieurs périphériques. On parle d'environnements de travail qui sont propres à l'utilisateur lui-même. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à résoudre ça et lui donner ce qu'il attend en fonction de l'endroit où il se trouve et de n'importe quel point dans le temps. Je ne suis pas du tout d'accord, en sens de commencer par le serveur. On en revient sur qu'est-ce que vous voulez avoir? Virtualiser, épargner quelque chose dans votre data center, virtualiser le serveur. C'est résoudre un problème sur l'utilisateur, virtualiser l'application. Et l'application, l'environnement de l'utilisateur, on la virtualise depuis 89. Il y a plus de 100 millions d'utilisateurs qui utilisent aujourd'hui un monde virtualisé. Mm-hmm. Donc on a des retours d'expérience. Tout dépend où on veut commencer. Problème utilisateur ou problème de serveur? Quant au serveur, je te laisse répondre. Oui, Alain Le Garat de Microsoft. Oui, donc je suis tout à fait d'accord. La première chose, c'est que veut-on virtualiser? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est le problème que l'on veut résoudre? Il faut savoir déjà l'exprimer clairement. La deuxième démarche derrière, ça va être de savoir qui va pouvoir vous accompagner pour le faire. Parce qu'on a parlé beaucoup de technologie, il y a quand même des savoir-faire qui sont spécifiques à tout cela. Comment donc analyser correctement les besoins en termes de virtualisation d'applications pour les centraliser? Donc c'est ce que l'on fait avec les offres Citrix depuis très longtemps. Comment pouvoir rationaliser l'administration des postes de travail? C'est ce que Microsoft fait également depuis un certain temps avec ses offres de management. Ou éventuellement, comment rationaliser un data center? Là, on revient effectivement au petit morceau de la virtualisation qui est la concentration des serveurs. Mais vous voyez, ça n'est qu'un seul aspect. Donc, première chose, dire ce que l'on veut faire clairement. Et deuxième chose, c'est donc identifier les partenaires, typiquement les intégrateurs qui ont ces savoir-faire et qui vont savoir prototyper la démarche, qui vont savoir faire des simulations de retour sur investissement et commencer à engager le projet. Et alors, c'est un projet informatique lourd. Et alors, sur BFM Radio, il y a souvent un terme, et notamment cette émission 01 Business, dont on en parle beaucoup, c'est l'agilité. Alors là, je parle d'Alain Le Garat, c'est l'un de vos créneaux, ça, l'agilité. Alors, expliquez-nous un peu tout ça. L'agilité du système d'information, c'est presque un effet de bord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir virtualisé certains éléments du système d'information, par exemple des serveurs, prenons-le, on a la possibilité de les déplacer au sein de son data center, voire d'un data center à un autre data center, voire des data centers privés de l'entreprise vers le data center d'un partenaire, d'un opérateur de télécom ou autre. Donc ça, c'est un élément d'agilité qui va permettre de pouvoir avoir une espèce d'informatique élastique qui va s'adapter à la demande, à la consommation interne de l'entreprise. Yann Serra, on parle beaucoup de technologie, mais quid de l'agilité des gens qui se chargent de ça, qui jusqu'à présent... pour démarrer un serveur, appuyer sur un bouton, pour l'éteindre, appuyer sur le même bouton. Maintenant, avec la virtualisation, est-ce qu'on doit changer de personnel? Est-ce que ça change profondément la culture? Formation particulière, je sais pas, Alain Le Garat de Microsoft. Alors, pour la plupart des grands projets que l'on a menés en France, ici, sur lesquels nous avons travaillé en France, nous avons constaté que c'était les équipes de pilotage des systèmes d'exploitation, en l'occurrence Windows Server, qui montaient en compétences et qui s'adaptaient sur la dernière génération de Windows Server, la génération 2008 en l'occurrence, pour déployer en fait les projets de virtualisation. Donc il a été démontré chez plusieurs de nos grands clients que l'évolution des savoir-faire était tout à fait possible et que c'était même quelque chose que les gens appréciaient, puisque ça étend leur périmètre d'intervention et leur efficacité perçue. Je me tourne vers VMware, parce que dans VMware, comme on l'a vu tout à l'heure avec cette alliance, on a à la fois du stockage, serveurs. Donc l'alliance avec Cisco et EMC, on le rappelle. Tout à fait. Donc on mélange du stockage, des serveurs, du réseau. Est-ce que finalement on continue à avoir les mêmes métiers qu'auparavant avec les spécialistes du stockage, du serveur, du réseau, ou est-ce que maintenant on a un spécialiste de la virtualisation dans l'entreprise? Stéphane Antonin de VMware, qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui? On donne une dimension en plus, je pense qu'on rend encore plus intéressant le métier aujourd'hui d'informaticien. Aujourd'hui, on se tourne vers des technologies qui demandent de l'attention. Quand on regarde, quand vous parliez du nombre de personnes formées, ou surtout est-ce qu'on a besoin d'être formé, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a plus de 35 000 personnes qui sont certifiées, c'est-à-dire qui se sont assis pendant une journée, qui ont passé un test de nos solutions. Et c'est une des solutions, je crois, même les plus demandées aujourd'hui du monde informatique. Ces solutions sont même plébiscitées au niveau direction informatique. Donc, de toutes les façons, on a besoin de se former, on a besoin d'aller voir, on a besoin de se rendre compte. Et naturellement, le savoir vient avec la solution et on demande de plus en plus maintenant d'être certifié, d'avoir des formations en plus, mais c'est dans la nature du temps et aujourd'hui c'est vraiment une mouvance. Et alors comment on se rémunère sur ce type d'outils, la virtualisation, c'est comme les logiciels, c'est le nombre de postes, parce que c'est compliqué ça, c'est un peu sur tous les postes, c'est un peu sur tous les serveurs, je sais pas, Guillaume Le Tirant, Citrix. Ça dépend du mode de licensing de chacun. Chez Citrix, on a pris un mode qu'on considère nous simple, soit à l'usage concurrent, vous avez un service, soit au nombre d'utilisateurs, si vous utilisez plusieurs périphériques pour un seul utilisateur, soit au nombre de périphériques, si vous avez un périphérique qui fait les 3-8. Et vous avez le choix, ça ne remet pas en cause l'infrastructure, le service, c'est juste un différents pools de licences qui sont mixés sur la même infrastructure. Et puis derrière, vous devez licencer les différents services supplémentaires. Voilà. Alain Legarade, c'est cette histoire de facturation. Donc le coût des licences, donc c'est quelque chose qui est un travail de longue haleine. On l'a démarré en 2005 en modifiant les modèles de licences des systèmes d'exploitation Microsoft, par exemple, de façon à permettre de considérer seulement les machines physiques qui sont utilisées. Donc prenons un cas très simple, vous avez un centre de traitement, un data center, des serveurs. Vous avez 10 serveurs non virtualisés, vous payez 10 licences. Si vous décidez de virtualiser ces 10 serveurs, donc vous réduisez ça à un seul serveur physique qui fera fonctionner les 10 machines virtuelles correspondantes, eh bien nous avons un nouveau mode de licence qui s'appelle le data center, qui vous permet de n'acheter qu'une seule licence. Donc elle coûte un tout petit peu plus cher unitairement que les précédentes, mais on fait une économie significative. Alors un dernier mot sur Fernando, parce que là il faut déjà conclure sur ce mode de facturation. Très rapide. Avant la virtualisation, on achetait un matériel, on le dimensionnait pour un projet et il ne pouvait qu'augmenter. Aujourd'hui, avec la virtualisation, on a apporté un nouveau concept, c'est qu'on est capable de dimensionner quelque chose ou de surdimensionner quelque chose, mais on est capable de sous-dimensionner aussi. Donc on apporte une nouvelle dimension. On peut réguler plus facilement. Aujourd'hui, les utilisateurs veulent payer pour ce qu'ils utilisent. Donc bien entendu, on parle de facturation maintenant à l'utilisateur. Ça, je vous le confirme. On est tous là. Merci à tous pour vos interventions brillantes. J'espère que nous avons éclairé les auditeurs de BFM Radio sur ces technologies de virtualisation. Si vous avez manqué le début de l'émission, elle est en podcast sur bfmradio.fr.